sous le choc. Pour mon peuple sous le choc. On a appris à rapper sous le bloc. Avec les sentiments qui va avec. Aux cicatrices. Massacre annoncé, je blesse, je laisse tomber la météorite. Vance et je reste. Je veux voir mon rap se la péter au ring. L'histoire se finit sur des faits horribles. Je préfère finir sanglant, traîner une pute et la baiser au rythme. Tu dis que c'est vulgaire, tu dis qu'on articule guerre, qu'on dit les mêmes choses. Je suis désolé, mais moi j'ai qu'une guerre. Écoute, faut que mon son te foudroie. Faut que je t'assomme, faut que le son te foudroie. Bouge ton corps, bouge ta tête tout droit. Je dois mon rap à la rage, c'est ce qui fait que le flow te scarifie. On préfère que l'affaire se clarifie. C'est PE2ROTA, presque pire que le TA et ses armes. Vivant où l'argent se rarifie. Besoin de fric, on en devient malade. Parler d'être honnête, c'est comme parler de justice avec Omar Radat. J'ai décidé de faire du rap le jour où on m'a dit t'es mal parti. Je crois que j'ai commencé une sale partie. On braque de l'encre sur nos cicatrices, présent pour laisser sous le choc. Sous le choc. On a appris à rapper sous le bloc. Pousse le peuple à l'éveil, parler que le nôtre a l'avenir ici bas. J'ai l'impression que le manque de sous le bloc. Pourquoi on fait mal? Sûrement pour que la douleur marque. Pourquoi on est mal? Sûrement parce que la douleur marque. Présent pour laisser sous le choc. Pour vous laisser sous le choc. Mon rap en éveil, on va te laisser sous le choc. Mon adresse est sous le bloc. Je me saoule, je bloque, écoute. On vient laisser des bâtards à terre, rappeler leur tort. J'force ceux qui viennent nous rappeler à l'ordre. C'est l'heure de faire le best, c'est l'heure. Que le rat on les baisse, c'est l'heure. Crier nique sa mère, mec, c'est l'heure. Crier le manque aussi. J'fais partie de ces membres qui aiment ce qui monte. On vient blâmer le monde aussi. Chacun veut sa part ici. Faut qu'on sentir mon pote. Un pack de 10 pour même sentir mon pote. Faut que ça pète et que la hiat résonne. Monde au défi des hommes, rime sale, inspiré des hommes. Plus qu'une apparence des serres, mon mic, ma vie se dessine. Un style qu'on décèle, c'est ce que la haine signe. Te casse, y'a l'équipe prêt à partir de gaz. Faut qu'on perce, avant de dormir, c'est du West Coast qui me perce. On verse de l'encre sur nos cicatrices, présent pour laisser sous le choc. Sous le choc. On a appris à rapper sous le bloc. Pousse le peuple à l'éveil, parler que le nôtre a l'avenir ici bas. J'ai l'impression que le manque de sous le bloc. Pourquoi on fait mal? Sûrement pour que la douleur marque. Pourquoi on est mal? Sûrement parce que la douleur marque. Présent pour laisser sous le choc. Pour vous laisser sous le choc. On n'a pas à se plaindre de la vie qu'on mène. On parle de ce qu'on est, de ce qu'on aime. Moi-même, depuis môme, je reste le même. Toujours avec autant de problèmes. Mais je donne le maximum en espérant vivre plus de joie que de peine. Sans le vécu qu'on traîne, malgré les contraintes. Je dis pas que ça me gêne, mais ça m'engraine. Ça me rend blême, avec qui je traîne. Avec les mêmes, la sale graine. Avec ceux dans le crime et dans les gènes. Y'en a qui veulent que je m'incline. Disent que j'ai une vie trop clean. Tu leur diras que j'ai la rage comme ces enfants de Brooklyn. Je clame mon envie de marquer le monde. Comme l'a fait Ben Laden. J'y veux qu'on m'acclame. De New York à Baden-Baden. T'as beau me censurer, mais je peux t'assurer que mon seul souhait, c'est de me faire plein de souhaits. Tant que j'aurai un jour, mon devoir sera t'assurer. Mais le problème, c'est que je peux pas rapper sans suer. On cherche à baiser le système. Dis-moi si t'as pré-système. C'est le même combat hip-hop et son système. Faut que ça paye et que mon groupe soit félicité. Vu qu'ici on veut tous la féliciter. Histoire d'en laisser sous le choc. Samedi, un peu de fun, yeah, yeah. Faut que je me souche chaque samedi. Mais je passe mon temps à dire putain c'est mort. En mort, viens de vie comme un tueur qui plaint ses morts. Je fais pas la jaja, je viens croquer ce qu'il y a à croquer. Mais à cause de l'argent, trop de mes potes ont craqué. Et si on parle de moi, on se demandera si c'est légal. Faut que je représente ma crème jusqu'au Sénégal. On verse de l'encre sur nos cicatrices, présent pour laisser sous le choc. Sous le choc. On a appris à rapper sous le bloc. Pousse le peuple à l'éveil, parler que le nôtre a l'avenir ici bas. J'ai l'impression que le manque de sous le bloc. Pourquoi on fait mal? Sûrement pour que la douleur marque. Pourquoi on est mal? Sûrement parce que la couleur marque. Présent pour laisser sous le choc. Pour vous laisser sous le choc. On verse de l'encre sur nos cicatrices, présent pour laisser sous le choc. Sous le choc. On a appris à rapper sous le bloc. Pousse le peuple à l'éveil, parler que le nôtre a l'avenir ici bas. J'ai l'impression que le manque de sous le bloc. Pourquoi on fait mal? Sûrement pour que la douleur marque. Pourquoi on est mal? Sûrement parce que la douleur marque. Présent pour laisser sous le choc. Pour vous